بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، on annonce que le ders du jeudi sera finalement se déroulera le vendredi. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'annonce, il n'y a pas eu de ders hier. Voilà, au début on avait dit lundi, mercredi et jeudi, et finalement ce sera lundi, mercredi et vendredi, Inch'Allah. Et s'il y a du changement, je n'en ferai pas encore. Mais sinon, tant que rien n'est annoncé, ça reste comme ça. Bismillah. Donc, l'an dernier, on est rentré dans la partie du fiqh de ce kitab. La partie en ce qui concerne la jurisprudence sur les règles de certaines honorations parmi ceux qui nous sont obligatoires au quotidien. On avait dit que chaque adoration doit impliquer impérativement être basée sur une intention. On avait dit que prononcer l'intention est une innovation. Cette intention ne se prononce pas. Cette intention, elle est dans le cœur. On n'a pas à la prononcer. On est parlé de la bid'a. Qu'est-ce que l'innovation? D'accord, on avait dit tout ce qui a été... Toute chose nouvelle qui est venue après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il n'a pas enseigné, qu'il n'a pas faite, et qui n'a aucune origine tirée du livre de la Sunna, et par laquelle on vise par cela l'adoration. Donc l'innovation qui, elle, est interdite, c'est l'innovation en religion, et non pas dans les choses mondaines. Dans les choses mondaines, tout nous est permis à la base tant qu'on n'a pas un dalil qui l'interdit. Là, les innovations qui sont interdites, ce sont celles qui sont en religion. À des adorations qui n'ont pas été légiférées. Alain Ouassil. Issoel Arabia al-Khamsin. 54e question. Ou plutôt, non, là c'est plus sous forme de question. Là c'est sous forme d'information directement. Le procédé n'est plus le même que dans la première partie du livre. La première partie du livre, c'est des questions. Il dit qu'il est là, kaza wa kaza. Si on te dit telle et telle chose, qu'est-ce que tu dis? Là, maintenant, il donne directement l'information avec le dalil qui va avec. Yaqul, khalaqallahu al-ma tahuran, yutahhiru al-najasat wal-ahdath. Allah a créé l'eau purifiante et purifie les impuretés et les excréments. Et en fait, al-ahdath, c'est plus large que excréments. Ardas, ça peut être l'urine, les excréments et également les gaz qui sortent lorsqu'on a perdu les ablutions. Ça s'appelle hadas. Donc l'eau vient pour purifier cela. Wad-dalilu, qu'Allah ta'ala, wa-anzalna minis-samai ma'an tahura. Et nous avons fait descendre du ciel une eau purifiante. Qu'Allah azza wa jal, il fait descendre une eau du ciel sur vous afin de vous purifier par elle. Donc l'eau, tahour, ou alors, elle peut être tahir ou najasa. L'eau, dans ce domaine-là, elle a été mise en trois catégories. Il y a ce qu'on appelle ma'a tahour. Ma'a tahour, c'est une mer qui est pure en elle-même et qui purifie. C'est une eau qui est pure en elle-même et qui purifie, par laquelle on peut faire nos ablutions d'autres. Comme l'eau qui vient du ciel, l'eau des sources, l'eau des étangs, l'eau de base. Après, on a ce qu'on appelle l'eau qui est tahir, mais elle n'est pas tahour. C'est une eau qui est pure en elle-même, mais par laquelle on ne peut pas se purifier. Et ça, ce serait par exemple une eau qui aurait été mélangée à une substance non impure, une substance non impure, mais qui aura changé sa nature. Après, certains disent que cette catégorie-là, ça ne sert à rien, disent que c'est plus de l'eau, en fait. Ils disent que c'est plus de l'eau. Un exemple, de l'eau dans laquelle on met du sirop. D'accord? Sirop grenadine, sirop menthe ou quoi. Eh ben, c'est plus de l'eau. Mais est-ce que c'est impur? C'est pas impur. Elle est pure. Mais est-ce qu'on peut faire des ablutions avec? Non. Pourquoi? Parce qu'elle s'est mélangée à une chose qui a changé sa nature. On ne peut plus se purifier avec. D'accord? par exemple. L'eau avec du café, l'eau avec du thé. On peut pas faire l'eau avec. D'accord? Ça s'appelle plus de l'eau vraiment en soi. Mais ça reste pur, on peut le consommer ou quoi, mais faire des ablutions avec, c'est pas possible. Et troisième catégorie d'eau, c'est l'eau qui est, elle, qui est impure, tout court. Et ça, c'est une eau à laquelle s'est mélangée une substance impure au point de changer sa couleur ou son odeur ou son goût. Là, cette eau-là devient une impureté en elle-même. Cette eau-là, elle est ni pure, ni purifiante, bien sûr. Ni pure en elle-même, parce qu'elle est impure, et bien évidemment, bah, elle sera ni purifiante. Donc la base dans les eaux qu'il y a sur Terre, c'est qu'elles sont tahour. Les eaux naturelles, l'eau de la pluie, l'eau de la mer, l'eau des étangs, l'eau des sources, d'accord? Toute eau naturelle qui vient du sol, qui vient du ciel, là-bas, c'est qu'elle est tahour. Mais par contre, vous avez parfois des eaux qui sont mélangées avec des choses qui sont purifiantes également, comme quoi la terre. Par exemple, vous allez voir des fois des écoulements, bon, peut-être pas à Paris, mais quand des gens ils vont au bled ou dans d'autres secteurs, après qu'il y ait des grosses pluies, il y a des torrents, des écoulements. Et l'eau, elle est pas claire, elle n'est pas transparente, elle est marron mélangée avec de la terre. Elle reste en boule parce que la terre, à la base également, ça demande une purification. Donc cette eau-là, même si elle est plus transparente, elle reste purifiante. Pourquoi? Car elle est mélangée d'une chose qui elle-même est purifiante. Donc ça ne nuit en rien. D'accord? La condition, c'est pas que l'eau soit transparente, mais qu'elle reste purifiante, soit en elle-même, ou soit qu'elle est mélangée d'une chose qui est purifiante, comme la terre. Et la terre, c'est purifiante. Donc l'eau un peu marron par la terre ou ce genre de choses, elle est toujours purifiante, on fait le droit avec. Enfin, ça s'appelle toujours de l'eau, en fait. Même si elle n'est plus sur son aspect de base. Mais si elle est mélangée d'une substance qui, elle, n'est pas purifiante, mais qui n'est pas non plus impure, comme le café, la sauce quand tu fais à manger, le maroc, là tu mets du poulet, de la viande, tu mets de l'eau, enfin, ça fait du bouillon. Ce bouillon-là, tu peux pas faire l'eau avec. C'est pur, tu peux le consommer, mais c'est pas purifiant. Voilà. Et troisième, c'est l'eau qui est, elle, impure, qui a été mélangée à une chose, au point que son odeur a changé, sa couleur a changé, ou son goût a changé. Ce n'est pas toute impureté dans l'eau qui est la nature, non. Il faut que ce soit une quantité suffisante qui amène à changer cette eau que tu as avec toi. Par exemple, je sais pas, moi, tu as un récipient. On dit par exemple qu'il y a une goutte d'urine qui tombe dedans. Ça n'a rien changé. Maintenant, s'il y a une quantité d'urine suffisante qui change au point que l'eau commence à changer de couleur, pour la couleur de l'urine, même un petit peu, ou dans l'eau, tu sens l'odeur de l'urine, bon, le goût, tu vas peut-être pas t'aventurer à tester, mais bon, voilà quoi. Quoi qu'il en soit, c'est plus l'eau, elle devient impure. D'accord? Mais là, il faut vraiment une quantité importante. Par exemple, l'eau de la mer, quoi que tu fasses dedans, l'eau de la mer, elle est toujours pure. L'eau de la mer, elle est toujours pure. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa tahur ma'uhu, wa al-hilu maitatu, à propos de la mer, dans un hadith qui était apporté de lui, mais qui n'est pas en lui-même, si l'authentique, celui-là, c'est le hadith d'Abu Huraira, il a dit, à propos de la mer, c'est celle dont l'eau est pure, est purifiante, et dont la chair morte est halal. C'est-à-dire, tout ce qui meurt dans la mer, ce qui vient de la mer, c'est halal. Pas besoin d'égorger les poissons, tu ne les égorges pas. Tout ce qui vit dans l'eau, c'est halal. Pas besoin d'égorger. D'accord? Donc, l'eau de la mer, même si elle est salée ou quoi, même si les gens, ils viennent à uriner tous dedans, elle reste pure. Elle est trop, c'est trop vaste. L'eau de la mer, c'est trop vaste. Tu pourras pas la rendre impure. Tout le temps, elle se régénère. Avec les vagues et tout, elle paraît bien. Même si elle est aux côtés d'une usine où il y a des déchets ou quoi, l'eau, elle est pure. Purifiante, on peut faire des ablutions avec. Maintenant, il se peut que ça te dégoûte, tu dis, ouais, ça sent mauvais, tu veux pas, parce que c'est sale. Mais en réalité, si tu fais l'eau, avec l'eau de la mer, elle est toujours pure. Purifiante. Enfin, un truc important. Non, et l'eau de la pluie, ces eaux-là, qu'elles sont purifiantes. Ensuite, il dit, là, il va commencer par l'ordre d'une journée d'une personne, lorsqu'on se lève en général. Première chose qu'on fait, on va aux toilettes. En général. Alors, on va aux toilettes. Donc il commence par ça, l'auteur. Il dit, Mazayakulu man arada dukhul al-khala. Que dit celui qui veut entrer aux toilettes? Donc quand il se lève le matin, il va aller aux toilettes, ou des fois la nuit pour faire qemelé, ou le matin pour aller aux toilettes, ou pour aller faire sa fajr, il va en premier aux toilettes. Il dit, comme invocation, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubth wal-khaba'ith. Dans le sens, ô Allah, je cherche protection auprès de toi contre les djinns, mâles et femelles. Et en réalité, là, c'est plutôt, il ne faudrait pas dire djinns, mâles et femelles, il faut dire les shayatines. Shayatines, mâles et femelles. Des djinns. Car les djinns ne sont pas tous des shayatines. Parmi eux, les djinns sont comme nous. Une communauté comme les êtres humains, sauf que le mal chez eux est plus répandu. Mais sinon, chez eux, il y a les croyants, chez eux, il y a les Nasara, il y a les Yahoud. Comme il y a chez nous, il y a chez eux. Sauf que chez eux, il y a plus de mal encore. Donc tout djinn n'est pas shaytan. Attention, il y a des croyants parmi les djinns. Des gens droits, des gens pieux. Donc en vérité, le dua, là, il ne faudrait pas traduire par djinn, mais par shayatin. Shayatin, des djinns. Pourquoi? Car les shayatin, les djinns, leur gîte, on les trouve fréquemment dans les lieux sales. Le hammam, parce qu'il y a plein de la pureté, il y a des poubelles, où le lieu il y a beaucoup de péchés. D'accord? Il y a beaucoup de péchés, beaucoup de turpitude, on les voit là. Et donc, c'est parmi les invocations qui permettent d'en être protégés. Car des gens, des fois, ils sont atteints par des djinns, par des shayatins, à cause du fait qu'ils n'invoquent pas Allah, ils n'ont pas de protection. En rentrant chez eux, ils disent pas bismillah, ils disent pas salam alaikum avant de manger, avant d'avoir des rapports avec leur femme, en se déshabillant. Il y a plein de situations, il y a des askars à faire pour nous protéger. Car on ne les voit pas. Eux, ils nous voient, nous, on ne les voit pas. Et parmi les invocations importantes à faire, c'est qu'on dit avant d'entrer aux toilettes. Et là, on parle des toilettes, là où les lieux de défection du riz, parce que par exemple, chez nous, au Yémen, c'est la salle de bain et les toilettes, c'est le même lieu. Souvent, tu vas trouver les toilettes, là où tu te laves. Par un point, c'est les toilettes, c'est comme les toilettes turques. De l'autre côté, tu as ta douche, tu te laves. Ici, c'est séparé, mais dans les endroits, c'est réuni. Et Kazalik, là, il n'a pas cité, il y a un hadith de Aïcha, sur lequel il y a divergence par rapport à son degré d'authenticité, lorsqu'on sort des toilettes. Lorsqu'on en sort, il y a un dua qui est venu pour dire « Ghufranak », c'est-à-dire « Allah, je demande ton pardon ». Et beaucoup de ulama disent « Yani qu'il est bon, le hadith ». Donc, pas de mal à l'appliquer. Et parmi les affaires de certains sahaba, ils disent que tu rentres aux toilettes par le pied gauche. Et tu sors par le pied droit. C'est-à-dire, ça n'a pas de preuve du Nabi sallallahu alayhi wa sallam en soi, mais des sahaba l'ont appliqué. Taïb. Soumayakoul, Fisouel, Al-Sadis wa Khamsin, 56e question. Min adab qada al-haja. Parmi les bonnes manières, lorsqu'on fait ses besoins. Parce que même si on fait des besoins, il y a des comportements à avoir. Même dans les besoins, l'islam nous apprend comment nous comporter. قال هو أبو قتادة لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي باليمين أو نستجيا بأقل من ثلاثة أحجار. Nous a défendu de faire face à la qibla lorsqu'on urine ou on défèque. Après, il y a une masala, une divergence. Est-ce que cela est valable également lorsqu'on fait les besoins à l'extérieur? Car il a déjà été rapporté qu'Ibn Omar, radiallahu anhu, a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faire ses besoins. Il l'a vu malgré lui, hein, par erreur. Alors qu'il faisait face au Sham. Et il interdit de faire face au Sham et à la Qibla, lorsqu'on fait les toilettes, on doit être vers l'Orient ou le Kufa. Et certains ulama disent que ce hadith est expliqué comme quoi que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a été vu comme ça, c'est qu'il n'y avait pas de toit pour celui. Donc ils disent celui qui fait ça dehors, d'accord? Ou plutôt non, celui qui fait ça dans un des toilettes, construites, plutôt je rectifie, lui, il voit que c'est permis, quelle que soit la direction qu'il prend. Et d'autres voient celui qui fait dehors, quand il urine ou autre, il fait en sorte de ne pas être face à la qibla, ni de tourner le dos. Soit sur la droite, soit sur la gauche. Donc on répète, il dit qu'il nous a défendu de faire face à la qibla lorsqu'on urine ou on défèque, de nous nettoyer avec la main droite et de nous nettoyer avec moi le trois pierres. C'est-à-dire que lorsqu'on va aux toilettes, nous en islam, on fait ce qu'on appelle l'istinja. L'istinja, c'est le nettoyage des parties qui ont fait évacuer les impuretés. D'accord? Les parties par lesquelles on urine, ou celles par lesquelles on défèque. On le nettoie avec de l'eau de base. Ça s'appelle l'istinja. D'accord? L'istinja. Pour hommes comme pour les femmes. L'istinja, bon, lorsqu'on urine, c'est facile. Avec un récipient, on verse. Mais lorsqu'on défèque, là-bas, c'est qu'on s'essuie avec la main et de l'eau. Avec la main gauche. D'accord? Avec la main gauche. Il est permis d'utiliser du papier ou des pierres, comme cela dans le hadith est venu, mais là-bas, c'est l'eau et la main gauche directement. Et après, bien sûr, on se lave les mains, tout ça. Et un point important, c'est que les gens pensent que pour faire les ablutions, à chaque fois, il faut faire l'istinja. On dit non. L'istinja, tu le fais que lorsque tu es aux toilettes. D'accord? Et si il n'y a pas de salade derrière, tu n'es pas obligé de faire les ablutions. D'accord? Mais si jamais, comment dirais-je, l'heure de la salade, elle arrive, tu n'as pas tes ablutions, tu n'as pas les faire l'istinja non plus si tu es aux toilettes. Tu vas faire les ablutions directement. Beaucoup de gens pensent que quand tu fais les ablutions, il faut faire l'istinja d'abord. On dit non. Tu le fais quoi lorsque tu es aux toilettes? Et tu fais des ablutions après, si toi tu veux les faire, si tu fais une salade surrogatoire, ou si c'est l'heure du ras, ou l'heure du vor, là oui. Mais les deux ne sont pas liés l'un et l'autre. D'accord? Si ce n'est que lorsque tu fais des ablutions, il faut pas qu'il y ait d'impact sur toi. C'est-à-dire, si tu t'es bien nettoyé auparavant, la dernière fois que tu étais aux toilettes, tu t'es bien nettoyé, donc tu n'as pas à recommencer. Mais si jamais tu as des impacts sur toi, là faut que tu te nettoies. D'accord? Parce que c'est pas une condition de la salade, c'est être en état de purification sur soi-même, sur les vêtements. Donc, bien différencier entre l'istinja, qui est une chose, et les wudu, les ablutions, qui est une autre chose. Bien qu'il y ait un lien entre les deux, mais l'un n'implique pas l'autre forcément. Chacun à mesure du besoin. Donc, l'istinja, on le fait soit avec de l'eau, et quand derrière, les parties derrière de l'excrément, avec la main gauche et de l'eau. D'accord? Ou alors, on peut faire avec des pierres. Et quand on utilise des pierres, on fait avec un nombre impair, soit 3, soit 5. Soit 7, soit 9, ainsi de suite. Là, c'est par exemple quand tu es dans la nature, dans des lieux, tu as tes besoins, tu prends des pierres. Et user du papier toilette, c'est permis. Mais le meilleur, c'est l'eau avec, avec la main gauche, c'est ce qui est plus efficace. Et quand je dis le papier, ça peut être toute chose qui aide à s'essuyer, bien sûr. Hein. Il faut que ce soit propre, quoi. Aussi, parmi les comportements qu'il y a aux toilettes, entre en toilettes, de ne pas discuter. Il y a des hadiths en venant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que lorsque les deux personnes entrent aux toilettes, ils ne parlent pas l'une avec l'autre. Même lui, lorsqu'il était aux toilettes, les gens passaient salam, ils ne répondaient pas. Car c'est un lieu dans lequel tu fais tes besoins, il y a des impuretés, donc tu évites de citer le nom d'Allah azzawajal dedans. Maintenant, si les toilettes qui sont larges, par exemple, des fois, c'est un endroit où tu as les toilettes, comme au Yémen par exemple, et il faut mettre les deux à côté également. S'il y a une distance entre les deux, tu peux faire faire la basse-main là. Mais quand tu es proche du lieu de défection, là non. D'accord? Si un peu, par exemple, tu es ici et que tu le vois là, là baisse. Ben, si le robinet est vraiment à côté, là non. D'accord? Et si quelqu'un te parle aux toilettes, tu ne réponds pas. Et le portable, tu laisses dehors. Vous voyez? Pas besoin de te téléphoner quand tu vas aux toilettes. Alors là-bas, c'est un lieu où, comme vous l'avez vu au début, il y a des chayatines. Donc on fait vite, on fait nos besoins, on sort. Voilà. On ne fait pas comme les coffres avec les magasins à côté, les téléphones d'un côté, tu restes là pendant je ne sais pas combien de temps. Là, tu rentres, tu sors. T'as fini, tu sors. Et pour les gens qui font leurs besoins dehors, à l'extérieur, comme c'était le cas des gens à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas uriner dans les trous. Car ça peut être un taillé de djinn. Et après, est-ce que tu en subis les conséquences? Et également choisir un sol qui est mou. Pourquoi? Pour pas que ça éclabousse. L'urine. Quand tu urines, dehors, d'accord? Tu as besoin d'uriner dehors, par exemple, fais en sorte que l'urine ne revienne pas sur toi. Car tu seras touché par des impuretés. Et ta salade, tu vas subir les conséquences par la suite. Voilà, ça va être une autre masala par rapport aux besoins. Et il est permis d'uriner debout et assis. Pour les hommes. Le plus fréquent, c'est d'uriner assis. Et même, dernièrement, j'ai lu un article de médecins qui disent qu'uriner assis, c'est mieux, en fait, pour les hommes. Ça fait moins de pression sur la vessie ou je ne sais quoi. Et recommande d'uriner assis pour celui qui peut. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit uriner debout également. D'accord? Pour faire debout également. Mais quand tu urines debout, fais attention à ne pas t'éclabousser. Assis, c'est mieux. t'assois. Alhamdoulilah, normalement, t'es à un endroit, ça va. Voilà. Mais debout, tu sais que tu peux avoir des maladresses et t'as bien à salir autour de toi ou te salir toi-même. Donc le meilleur, c'est assis. Thumma yaqul fi mas'ala as-sabi'a wa khamsin, 57e on va dire question, mais c'est pas une question. La tasah as-salah illa bi wudu. Que la salat n'est valide qu'avec les ablutions. Wa dalilu hadith Abi Huraira qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam inna Allah la yaqbal salat ahadikum iza ahdatha hatta yatawadda. Que Allah azza wa jall n'accepte la salat d'aucun d'entre vous si jamais il a eu, qu'on a dit toi là, ahdath, c'est tout ce qui annule les ablutions, comme aller aux toilettes, comme avoir des gaz ou autre, tant que il n'a pas fait ses ablutions. Donc ces ablutions sont parmi les conditions de la salat. D'accord ? Les conditions de la salat. Parmi les conditions de la salat également, comme je disais tout à l'heure, être sur soi-même, en état de pureté, ça veut dire que tu n'as pas d'impureté sur toi, sur ton corps, tu es bien nettoyé, ni sur ta vêtement, et ni le lieu dans lequel tu fais la salat. Pour que tout soit pur. Et parmi elles, être en état de purification. C'est pour cela que dans les coutumes de Fiqh, vous allez voir, tout souvent il commence par ça, les eaux. Parce que tu vas faire l'eau, mais avec quelle eau? Faut que tu saches c'est quoi l'eau qui est bonne, l'eau qui n'est pas bonne. D'accord? Et également, vous t'appeler à te purifier. Car pour ta salat, qui est le deuxième pilier de l'islam, faut que tu sois en état d'ablution. Ainsi de suite. Donc il commence par ces sujets-là, car ils sont les plus importants. Et ceux auxquels tu as affaire tous les jours. Et plusieurs fois par jour, les ablutions. C'est des sujets très importants à ne pas négliger. Et ça, c'est des choses qui nous sont obligatoires de connaître. Des gens qui auraient des erreurs dans ce sujet-là, qui diront je ne savais pas, et ça fait des années ils font, je dis pourquoi t'as pas appris. Ça, c'est des choses qu'il faut que tu apprennes, comme le tawhid, et ça, les arkim de la salat, ça va, tu l'as fait tous les jours, il faut que tu apprennes ces règles. Le ramadan, quand ça arrive, il faut que tu apprennes les règles du siyam, obligé. Tu vas faire le hajj, tu vas apprendre à faire le hajj avant de partir, obligé. Toujours. Il faut savoir le rythme, pourquoi? Parce que tu fasses une œuvre, elle est annulée, elle n'est pas acceptée. On va te dire, je ne savais pas, mais dis, pourquoi tu n'as pas appris? Voilà. Ça, c'est des choses qu'on doit savoir tous obligatoirement. Après, c'est ce qu'on appelle l'approfondissement. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde, mais les bases, comme celle-ci, il faut les connaître. Tu n'es pas obligé de connaître par cœur le dalil non plus. Le fait que tu l'as déjà entendu, que tu l'as su, ça te suffit. Mais si toi, tu veux demain enseigner à d'autres personnes ou expliquer à d'autres personnes, il faut que tu le connaisses. C'est mieux. Et il y a un hadith similaire rapporté par Ibn Omar que la salat n'est pas acceptée sans purification. Donc se purifier, on expliquait, cela peut se faire de base par l'eau qui est tahour, c'est-à-dire l'eau qui est purifiante, pure en elle-même et qui purifie. Et également par la terre. Parce qu'on fait le talibon, ce qu'on appelle les ablutions sèches en français. Et il y a une divergence, on dirait le mal, ils disent tu peux faire le talibon sur toute chose. Sur ton canapé, sur le mur, tu frottes. Et bien ils disent non, lui sur une chose qui est poussiéreuse comme la terre. C'est une divergence qu'il y a, mais généralement je conseille les gens de prendre un avis le plus prudent sur la terre. C'est mieux. Comme ça au moins, t'es sûr. Ils sont unanimes que la terre c'est purifiant. Mais t'en vont dire le canapé non, le mur non. T'en vont dire si. Donc toi, si tu sais pas trop, tu doutes, prends la terre. C'est terre, sable, tout ce qui est par terre comme le sol, et qui, comme on dit, comme cette texture-là, quoi, que tu souffres, quand tu es en France. Poussiéreuse, quoi. C'est mieux. Comme ça, au moins, t'as l'esprit apaisé. Je pense qu'on va s'arrêter là. Inch'Allah, aujourd'hui. Je voulais faire le reste, mais ça va peut-être être un peu long. On prendra les éléments des ablutions et le reste la prochaine fois, Inch'Allah. Donc là, on a pris, en premier lieu, les eaux. Quelles sont les eaux qui sont conformes pour être en état de purification? Donc on a dit, c'est l'eau qui est purifiante. Et si elle est purifiante, c'est qu'elle est pure en elle-même, de toute façon, ça va de soi. Et on a expliqué qu'il y a l'eau qui est pure et non purifiante. Et celle-ci, il y a des divergences. Les ulama, ils voient que cette catégorie-là, elle n'a pas été citée. Ce qu'ils disent que si elle est plus purifiante, c'est que c'est plus de l'eau. En fait, comme on l'a dit, l'exemple du jus ou du thé, ils disent que c'est plus de l'eau, ça. Donc, c'est rien de la même. Et troisième chose, C'est l'eau qui est impure, elle, qui a été mélangée d'impureté au point que sa texture elle a changé, odeur, goût ou couleur. Celle-ci, même si c'est de l'eau, eh ben, tu peux rien faire avec. Et aussi un hadith qui était venu, mais il est faible, qu'on ne fait pas les ablutions avec l'eau qui a été chauffée au soleil. Le hadith, il est pas authentique. Donc l'eau chauffe au soleil, chauffée à la casserole, tout quand il fait froid, il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est bon. Même d'ailleurs, c'est mieux en hiver. Bien qu'il y a un, il y a un hadith qui est venu où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que parmi les choses qui aident à s'élever en degré, il a dit el wudu ala al makarih. Faire le wudu dans les situations difficiles, c'est-à-dire de faire le wudu avec de l'eau qui est froide, de quand il fait froid, de ne pas avoir peur. Ça t'élève en degré. Maintenant, celui, t'as des gens qui sont faibles, qui tombent de malade, on va pas leur les encourager à faire ça, mais celui qui arrive à affronter, à supporter, il dit, oh, l'eau, elle est froide, tu peux pas et tout, je fais ça, c'est ça ce que tu le fais, t'as plus de réponse. Ça motive, tu vois. Donc, les gens, ils le font. Mais après, c'est pas imposé. Un MG, tu fais le wudu, si t'as besoin d'eau chaude en hiver, tu fais ta salade tranquille. Et là, ce qu'on vient de dire là, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Et également pour les enfants, qui rentrent en âge de faire la salade. Même un enfant qui est petit, tu veux qu'il fasse la salade avec toi, ou le mettre dans le rang avec les grands, faut qu'il fasse ça. Le petit, il a 4 ans, par exemple. S'il se comporte bien, d'accord? Il se comporte bien. Et là, en état de purification, comme les adultes, et qu'il connaît bien les jeux de la salade, tu peux le mettre dans le rang avec toi. Mais si jamais c'est un petit, il est là, il n'a pas le veau, il ne rentre pas dans le rang. C'est les petits qui jouent, qui sont retournés, qui sont en tas de gestes, ou ils font la salade, après ils sortent, après ils reviennent, non, il ne rentre, rentre pas dans le rang. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont considérés comme étant une chose qui coupe le rang. Car en fait, il existe un enfant. Il est comme si c'était une chaise ou comme s'il y avait un pilier. Donc cet enfant-là, il ne rentre pas dans le rang. Beaucoup de gens, je vois, ils amènent leurs enfants à la salade avec eux. Et l'enfant, à la base, on dit, il rentre dans le rang avec les grands, que si il est comme les grands, c'est-à-dire il est un peu plus éducation avec les dodo, il fait pas la salade, il se sent bien. C'est pas il est rentré le monde, il sort, il se retourne, il se gratte, il joue. Non. Tu vas, tu mets devant toi, il s'assoit. Si jamais il pleure, pendant on fait la conférence, mais je sais pas, il pleure. On dit, ouais, mais à cause de ces fois qu'il s'équipe, comment c'est toi ou c'est lui? Il pleure, il sort, tout. Mais tu viens que ton enfant, il dérange dans la salade, il coupe les rangs, c'est toi qui as fait ça. Ton enfant, il n'a pas de péché, c'est un enfant. Mais toi, le père ou le grand frère ou celui qui l'a amené, tu vois, toi, tu vas apprendre. Tu vois. Donc, à ce moment-là, il faut savoir faire preuve de responsabilité, de maturité. Tu sais, un enfant, il peut aller venir. S'il ne sait pas se tenir, il ne l'amène pas avec toi. Et le jour où il se tient bien, tu lui apprends à la maison, tu l'habitues. Voilà, quoi. Et Cheikh Abdelhamid, il disait quoi? Alors, des fois, tu emmènes ton enfant. Et toi, tu ne veux pas le mettre dans le rang. Mais ce coup, il faut faire une prise dans le rang avec tout le monde, tu vois. Mais toi, tu fais preuve de pédagogie, tu dis, ouais, c'est toi les mêmes, mais t'es devant nous, c'est toi les mêmes, tu diriges. Donc, tu es devant, il fait ça là, il est pas avec vous. Il se retourne, tu vois ce qu'il veut, il est pas avec vous. Donc, il n'y a pas de problème. Fais lui montrer que ce qu'il va faire, c'est bien, mais tu ne mets pas d'avoir avec toi. C'est à toi de trouver une ruse pour qu'il ne rentre pas dans le rang, et en même temps, qu'il se sente rejeté, en force, qu'il t'a pleuré dans la salade, parce qu'il va te déranger toi, tu seras plus trop chaud, et il va déranger les autres. Donc, toi, sois intelligent, ton enfant, pour te faire comprendre qu'il faut pas qu'il dans le rang, et tu l'occupes pour autre chose. Tu donnes ton téléphone, tu donnes un truc, tu joues avec. Comme ça, il oublie ça. Mais si jamais tu sais qu'il va être dérangeant, tu n'amènes pas avec toi, mais c'est ça ce qu'il apprenne, le bon comportement. Non. Azal lazi akhadna al-yom, wa laktafi bi hadha al-qadr, wa alhamdulillahi rabbil alamin.